vite. Tiens, c'est ma liste pour Noël. Oula, c'est une longue liste ça. Oui bah, j'ai vraiment eu du mal à me décider hein. Mais attends, je sais pas si je vais réussir. Oh mais t'en fais pas, il y a tout aux Galeries Lafayette. En plus, du 9 au 19 décembre, il y a moins 25% sur toute la beauté, dont les coffrets. Oh, eh bah tiens, tu pourras en prendre un pour maman. Hors point rouge, avec le programme de fidélité Mes Galeries gratuit et sans engagement, voir conditions en magasin et sur galerielafayette.com. Galeries Lafayette, le grand magasin de tous. Ça vous dit un thé glacé ? Oh oui, un thé glacé, ça relève du miracle. Si vous le dites. Scolarité à domicile ? Oui. J'ai été agréablement surprise des notions qui me restaient du lycée. Oh, waouh ! De la démocratie en Amérique, de Tocqueville. J'adorais enseigner cette œuvre. Vous étiez professeur ? Oui. À la fac, prof d'histoire. Super. Vous pourriez peut-être m'éclairer sur certains points compliqués de ce livre. Avec grand plaisir. Tocqueville, qui est-ce ? Je dirais que sa pensée politique prend racine dans une interrogation fondamentale et immédiatement saisissable. Cette interrogation est la suivante. Toutes les sociétés sont en train de devenir démocratiques. Le mouvement démocratique est une fatalité. Ou, comme disait mieux Tocqueville, un fait providentiel qu'il faut reconnaître comme tel. Et il dépend des hommes, des sociétés et des lois que ces sociétés qui seront toutes et nécessairement démocratiques soient ou libérales ou despotiques. Au début des années 1830, un enfant de la vieille noblesse normande, issu d'une famille légitimiste, devenu juriste sans grande conviction, décide de partir à la découverte des États-Unis. Son nom, Alexis de Tocqueville. Son but, officiellement étudier le système pénitentiaire américain. En vrai, voir comment fonctionne la démocratie. Au bout de 10 mois, il en revient des carnets remplis de notes, de réflexions, de souvenirs, d'entretiens et une conviction. Il faut une science politique nouvelle à un monde tout nouveau. Aujourd'hui, presque 200 ans plus tard, ce nouveau monde, celui de la démocratie, n'a plus rien de nouveau. Mais les deux volumes de la démocratie en Amérique, nés des centaines de pages noircies lors de son séjour outre-Atlantique, constituent encore la science politique par excellence, à même de nous révéler et de nous prémunir des maux de nos sociétés démocratiques actuelles. Bonjour Céline Spector. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur à l'UFR de philosophie de Sorbonne Université. Vous êtes l'auteur de « Nos démos, souveraineté et démocratie à l'épreuve de l'Europe », tout récemment paru aux éditions du Seuil. Mais c'est pour ouvrir notre série consacrée au grand livre d'Alexis de Tocqueville, « De la démocratie en Amérique » que vous êtes présente aujourd'hui. Alors je vais être honnête, j'ai eu la chance de découvrir Alexis de Tocqueville et de la démocratie en Amérique grâce à vous. C'était en 2005 à l'université Michel de Montaigne à Bordeaux. Et comme j'ai pu l'apprendre, Tocqueville est un penseur, un philosophe essentiel de la démocratie, tout autant que Platon, Hobbes, Rousseau ou John Rawls. Mais comment se démarque-t-il de ces philosophes qu'on a peut-être plus tendance à citer spontanément pour penser la démocratie ? Alors, ce qui est extraordinaire avec Tocqueville, c'est qu'il va proposer un nouveau modèle pour la démocratie. Alors, en s'inspirant notamment de Montesquieu, et ce que Montesquieu avait fait pour l'Angleterre de son temps, disons en essayant de décrire ses institutions, de les présenter au peuple français, Tocqueville va le faire pour l'Amérique. Et il va donner de l'Amérique une image tout à fait nouvelle, à une époque où seuls des auteurs un petit peu mineurs, des francs-maçons, des républicains, s'intéressaient réellement à l'Amérique, ou alors où seuls des littéraires comme Chateaubriand, qui est d'ailleurs apparenté de loin à Tocqueville, pouvaient, en donner une image un peu sauvage. Et donc Tocqueville va nous dire, non, l'Amérique, en fait, c'est un modèle possible pour la démocratie, c'est un modèle de démocratie paisible, réglée, ordonnée, qui mérite qu'on s'y intéresse de près si on veut tenter de réguler la République, la démocratie en Europe et en France en particulier. Donc déjà deux originalités. D'une part, le fait de s'intéresser s'intéresser à la démocratie dans un certain terme, c'est-à-dire de dire quand même c'est un fait auquel on ne peut pas échapper, ça va se produire. Fait d'autant plus original en fait qu'il vient quand même de Tocqueville, qui vient d'une famille aristocrate, qui a quand même mal vécu la Révolution française. Donc déjà première originalité de Tocqueville, et puis la deuxième, donc comme vous l'avez dit, c'est l'inspecteur d'aller aux États-Unis et de prendre cette question très au sérieux en faisant presque du terrain, alors que les philosophes habituellement, on peut dire quand même qu'ils ne font pas forcément du terrain en termes démocratiques. Oui, alors ça aussi c'est une originalité de Tocqueville que vous avez justement souligné. Donc il ramène ses carnets, ses entretiens, etc. Et il veut se baser sur des données, hein, il nous le dit, sur des faits. Et il veut essayer à partir de ces faits d'induire un certain nombre de lois, donc à la fois de décrire les institutions telles qu'il les a perçues de manière extrêmement précise, également à partir d'une lecture des pères fondateurs américains, hein, Madison et Hamilton notamment dans le Fédéralisme, aussi Jefferson, qu'il considère comme le plus grand penseur de la démocratie américaine. Donc à partir de ces lectures et des faits qu'il a observés, il veut tenter de penser les lois qui en effet régissent la démocratie. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être rapidement Alexis de Tocqueville, quand même pour souligner la particularité en fait de sa personnalité, en fait, pas tant de sa personnalité, mais disons en fait du fait qu'il s'intéresse, lui, venu de l'aristocratie, à la démocratie et qu'il la défende en des termes, il faut le dire, comme un fait providentiel. Ça, ça paraît quand même un argument hallucinant, qui est de dire, pour quelqu'un dont la famille a mal vécu la démocratie, de dire, vous ne pouvez rien y faire, c'est comme ça, nous allons vers la démocratie, peu importe l'ancien régime, peu importe mes origines aristocratiques. Oui, alors il y a un contraste qui est vraiment très étonnant, une tension profonde, vient du fait que Tocqueville effectivement vient d'une famille légitimiste, que d'ailleurs ses parents ont échappé à quelques jours près à une charrette qui les amenait à la guillotine, et c'est seulement le 9 Thermidor et donc la chute de Robespierre qui a en quelque sorte sauvé la vie des parents de Tocqueville. Malesherbes, auquel il est apparenté et qui était l'avocat du roi Louis XVI en fait, a été guillotiné, et donc Tocqueville est un peu un ovni dans sa propre famille, hein. Et d'ailleurs, il prête serment à la monarchie de Juillet en 1830, juste avant de partir aux États-Unis. L'une des raisons pour lesquelles il est parti tient peut-être à ce malaise vis-à-vis de cette monarchie. Il a voulu fuir, presque. Le roi régicide, quand même, Louis-Philippe. Et donc, si vous voulez, il s'en va. Il s'en va et en même temps, il rompt un petit peu avec ses attaches familiales. Et donc, ça, il le fera d'ailleurs à plusieurs reprises dans sa vie. Mais il faut comprendre que pour lui, la démocratie s'impose. Alors, la démocratie, en quel sens, hein, bien sûr, il faut la définir. La démocratie pour Tocqueville, ce n'est pas seulement un régime politique, celui où le peuple exerce la souveraineté. Puissance, c'est un état social. C'est-à-dire finalement que c'est, on pourrait dire, une certaine société, un certain type de société dont il va décrire l'idéal type. Et donc, cette société est régie fondamentalement par l'égalité des conditions. L'égalité des conditions qui ne s'entend pas de manière statique mais dynamique, c'est un fait, mais en même temps c'est une dynamique, hein, multiséculaire. Et dans l'introduction à la démocratie, Tocqueville va dire ça fait 700 ans hein, que l'égalité des conditions progresse face à l'inégalité des conditions face à la société aristocratique. Donc si vous voulez, l'égalité des conditions, le fait qu'on aille vers une société sans caste, sans classe, dit même Tocqueville, alors on pourrait contester ce deuxième morceau de la phrase, mais sans caste et sans classe, voilà, c'est ça le fait providentiel. Alors, vous m'invitez un petit peu à commenter cette notion de fait providentiel, et en effet, il y a tout un art d'écrire dans cette introduction de Tocqueville qu'il faut relever. D'une part, il s'adresse aussi à son milieu d'origine, c'est-à-dire ses légitimistes, voire parfois les ultras, donc des royalistes, qui sont favorables en quelque sorte à une restauration, qui sont éventuellement contre-révolutionnaires et qui sont catholiques. Et il faut les convaincre du fait que la démocratie est notre destin, en France en particulier, qu'il n'y aura pas de retour aux principes d'Ancien Régime. Et donc pour cela, il faut utiliser leur langage, leur discours, et utiliser ce vocabulaire presque religieux. Tocqueville se dit saisi par une terreur religieuse face au fait providentiel de l'égalité des conditions. C'est-à-dire qu'il faut les convaincre du fait qu'il n'y aura pas de retour en arrière. On est là dans un phénomène irréversible. Et donc l'idée de fait providentiel, c'est pas en réalité que la démocratie soit dans les desseins cachés de Dieu, ça Tocqueville ne le pense sans doute pas, mais il pense qu'il faut utiliser ce vocabulaire religieux pour bien faire comprendre aux légitimistes que l'Ancien Régime, c'est fini. Alors, vous avez dit, Céline Spector, vous avez présenté les choses en fait que Tocqueville présente dès son introduction. Alors, il faut le dire, la démocratie en Amérique, ce sont deux volumes. Il y a un premier volume, on va dire, plus politique, plus sur l'organisation politique en fait de la démocratie, qui paraît en 1835. Le second volume paraît en 1840. Il est plus tourné vers les mœurs, vers la société civile. On va écouter tout de suite, puisque c'est l'objet de notre entretien ce matin avec vous, Céline Spector, le tout début, les premières lignes de l'introduction. Et effectivement, on va retrouver les termes que vous avez évoqués, égalité des conditions, fait générateur d'un état social. Je vous propose d'écouter tout de suite. Parmi les objets nouveaux qui, pendant mon séjour aux États-Unis, ont attiré mon attention, aucun n'a plus vivement frappé mes regards que l'égalité des conditions. Je découvris sans peine l'influence prodigieuse qu'exerce ce premier fait sur la marche de la société. Il donne à l'esprit public une certaine direction, un certain tour aux lois, aux gouvernants des maximes nouvelles et des habitudes particulières aux gouvernés. Bientôt, je reconnus que ce même fait étend son influence fort au-delà des mœurs politiques et des lois, et qu'il n'obtient pas moins d'empire sur la société civile que sur le gouvernement. Il crée des opinions, fait naître des sentiments, suggère des usages, et modifie tout ce qu'il ne produit pas. Ainsi donc, à mesure que j'étudiais la société américaine, je voyais de plus en plus dans l'égalité des conditions le fait générateur dont chaque fait particulier semblait descendre. Et je le retrouvais sans cesse devant moi comme un point central où toutes mes observations venaient aboutir. Alors je reportais ma pensée vers notre hémisphère. Et il me sembla que j'y distinguais quelque chose d'analogue au spectacle que m'offrait le Nouveau Monde. Je vis l'égalité des conditions qui, sans y avoir atteint, comme aux États-Unis, ses limites extrêmes, s'en rapprochait chaque jour davantage. Et cette même démocratie qui régnait sur les sociétés américaines me parut en Europe s'avancer rapidement vers le pouvoir. Alors, ce sont les toutes premières lignes de l'introduction de la démocratie en Amérique, donc d'Alexis de Tocqueville, texte que nous allons étudier toute cette semaine dans les chemins de la philosophie. Donc, ces premières lignes posent très bien, en fait, l'enjeu de ce livre d'Alexis de Tocqueville. D'une part, le fait d'être allé aux États-Unis, d'avoir repéré, d'avoir été frappé par un fait en particulier, l'égalité des conditions, et puis aussi cette idée dans ce texte qu'effectivement la démocratie, et ça c'est une chose sur laquelle il faut vraiment insister, Céline Spector, c'est que la démocratie n'est pas un régime politique pour Tocqueville, c'est d'abord un état social. Qu'est-ce que ça veut dire un état social? Qu'est-ce que ça fait de changer l'idée de s'arrêter sur un régime politique, sur un état social plutôt que sur un régime politique? Alors oui, je crois qu'il faut bien comprendre l'origine pour Tocqueville, et même la double origine du concept d'état social. Lorsque Tocqueville utilise ce concept, il l'emprunte d'une part à Montesquieu, qui utilisait plutôt le terme d'esprit général, pour désigner finalement l'ensemble constitué par les lois, les mœurs, les manières d'un peuple, les maximes de gouvernement, mais aussi ce qui provient du climat, de la religion, de l'économie, tout ce qui fait véritablement l'esprit d'un peuple. Donc Tocqueville retient de Montesquieu l'idée qu'il faut aborder les peuples à partir de leur esprit général, qui est producteur, qui permet de comprendre leur rapport aux lois. Et en même temps, il emprunte à Guizot, dont il a suivi les cours en Sorbonne et qui a été, voilà, Guizot l'a énormément impressionné. Donc il emprunte à Guizot le concept d'état social. Et l'état social pour Guizot, c'est la civilisation elle-même, la civilisation dont il fait un fait général et dont il veut étudier en quelque sorte le contenu, la marche, en étudiant la manière dont le progrès matériel, l'état moral d'un peuple, son état intellectuel et le bien-être social du peuple s'articulent. Donc chez Tocqueville, on a cette même idée selon laquelle ce qui importe le plus, ce ne sont pas directement les lois, ce ne sont pas directement les institutions d'un peuple, la politéia, comme disaient les anciens, la constitution du régime, ce sont les mœurs. Et ce sont les mœurs, et il faut comprendre de quoi les mœurs sont faites, c'est-à-dire finalement, ce qui est la manière de sentir, de penser et d'agir d'un peuple, d'où vient cet état social, qu'est-ce qui le structure ? Alors, ce qui est doublement important, parce que d'une part, ça nous renseigne sur la méthode de Tocqueville, qui agit presque comme un sociologue. C'est-à-dire d'ailleurs que parfois, Tocqueville n'est pas forcément classé dans les bibliothèques au rayon philosophie, mais effectivement au rayon histoire ou au rayon sociologie. C'est vrai qu'il va décrire. Ça n'est pas un penseur contractualiste de la démocratie. La démocratie n'est pas née, selon lui, avec un accord entre plusieurs personnes. Ça n'est pas une fiction comme Rousseau ou Rawls peuvent le proposer. Vraiment, il est sur le terrain. Donc, effectivement, il va décrire des mœurs. Il le dit, des sentiments, des usages. Mais la deuxième chose aussi, c'est qu'il faut se poser la question de comment naissent ces usages. Est-ce que c'est l'égalité des conditions qui va apparaître à travers ces usages, ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est ces usages qui nous montrent que le fait générateur, c'est l'égalité? Dans quel sens ça se passe? Alors, il y a plusieurs questions passionnantes que vous posez. D'une part, la question du rapport entre sociologie et philosophie, et c'est l'un des grands débats interprétatifs autour de l'œuvre de Tocqueville aujourd'hui encore. Depuis Raymond Aron, qui a vraiment voulu inclure Tocqueville parmi les grandes étapes de la pensée sociologique, juste après Montesquieu, dans le siège de Montesquieu, jusqu'à aujourd'hui, on a ce débat, voilà. Tocqueville est-il l'un des premiers sociologues avec voilà Auguste Comte, avec Durkheim, ou bien est-il un philosophe politique normatif à part entière? Et évidemment, ce qui est délicat, c'est que d'un côté Tocqueville essaye de décrire des faits, d'expliquer, hein, de comprendre la marche de la société, mais en même temps il juge, il évalue la qualité des institutions, la qualité des lois, et donc on peut pas dire qu'il y ait une neutralité axiologique parfaite dans son œuvre, hein, ça serait vraiment usurpé. Et donc il y a une dimension philosophique authentique, hein, mais c'est comme chez Montesquieu si l'on ose dire, c'est-à-dire que c'est à partir de l'analyse des leçons de l'histoire, à partir d'une réflexion sur les lois de l'histoire, que l'on peut proposer eh bien des leçons qui sont vraiment des leçons philosophiques normatives sur par exemple le rôle de la liberté dans l'histoire, comment réagir aux faits, comment voilà quelle est la marge de manœuvre de la volonté dans l'histoire. Et donc je crois qu'il faut vraiment saisir ces deux dimensions, et il y a une dialectique dont on reparlera sans doute, de l'égalité et de la liberté. Voilà, la légalité, c'est la marche irrésistible, en effet, l'égalité des conditions s'impose dans l'histoire, hein, c'est une véritable loi, mais cette égalité des conditions peut mener à différentes formes politiques, comme d'ailleurs, hein, on pourrait dire voilà, à différents régimes. L'égalité peut aller vers la liberté, ou bien l'égalité peut aller vers la servitude, vers le despotisme. Et donc tout l'enjeu est de savoir dans quelle direction il faut aller. Et de ce point de vue, on peut dire que Tocqueville, hein, vous citiez tout à l'heure cette phrase célèbre de l'introduction, « Il faut une science politique nouvelle à un monde tout nouveau », Tocqueville est soucieux de saisir l'inédit, saisir ce qu'il y a vraiment de nouveau dans l'histoire et ne pas appliquer de vieilles leçons. Hein, il dit « Il faut finalement n'appliquer que des idées nouvelles à un état social si nouveau ». Et donc la question c'est, voilà, les termes de comparaison nous manquent, nous sommes dans l'obscurité, nous sommes dans les ténèbres, il faut essayer de comprendre ce qui nous arrive et dissiper la confusion. Et pourquoi parle-t-il de faits générateurs? Je reviens sur la deuxième partie de ma question qui était vraiment, qu'est-ce qui fait que c'est l'égalité des conditions qui va générer un certain de certaines mœurs politiques, civiles, affectives, hein. C'est notamment frappant dans le volume 2 de la démocratie en Amérique, c'est-à-dire que l'égalité pénètre dans tous les domaines de la société, même de manière privée, même dans nos usages privés. On en parlera tout à l'heure avec l'exemple de la famille et des lois de succession, mais comment ça se fait que l'égalité soit un fait générateur dans ce sens-là, et est-ce que ce n'est pas plutôt les mœurs qu'on constate sur le terrain qui nous font dire que c'est l'égalité qui prédomine? Vous voyez, dans quel sens ça se produit en fait? Alors en fait, il y a une dialectique très subtile, et là, il faut vraiment éviter d'essayer de plaquer sur Tocqueville l'idée d'une détermination en dernière instance, hein, c'est-à-dire l'idée que l'histoire serait régie par une causalité en quelque sorte qui serait unique. Hein. Tocqueville essaye d'éviter à tout prix le monocausalisme, et même quand il étudie l'Amérique, il nous dit bah oui, il y a des causes physiques qui agissent sur les mœurs américaines, donc la géographie du continent américain, il y a la religion qui agit, mais il faut bien comprendre que l'égalité des conditions, ce qui relève des mœurs, c'est ce qu'il y a de plus important. Hein. Il nous dit voilà, les causes physiques sont moins importantes que les lois, et les lois sont moins importantes que les mœurs. Alors qu'est-ce qui est productif, hein, ce fait générateur de l'égalité des conditions? Eh bien, c'est le fait que l'égalité, au fond, c'est un phénomène multiforme, c'est un phénomène multidimensionnel. L'égalité, ce n'est pas seulement l'égalité politique, donc l'abolition des privilèges, hein, c'est fondamental, hein, le fait qu'on n'a plus une société d'ordre, mais qu'on a une société ouverte, hein, ouverte aux talents en particulier, où la bourgeoisie peut faire son ascension sociale. Donc l'égalité, c'est pas seulement l'abolition des privilèges, ça n'est pas seulement non plus, on pourrait dire, l'égalité des droits politiques, la question du suffrage universel, hein, par rapport au suffrage censitaire, c'est-à-dire à qui doit-on accorder les droits politiques. Et Tocqueville milite hein, pour une extension du suffrage universel, pour que les droits politiques soient exercés par tous. Mais c'est aussi une dimension matérielle et une dimension intellectuelle. Hein. L'égalité des conditions, si vous voulez, il y a une dimension matérielle dont on reparlera, c'est-à-dire les fortunes s'égalisent, le poids de la noblesse, évidemment, diminue face au poids de l'argent. Hein. Donc on a des nouvelles formes d'influence sociale, d'autorité sociale qui émanent. Et puis, il y a une dimension intellectuelle, les lumières se répandent, l'instruction se diffuse, les intelligences s'égalisent et l'intelligence a un rôle plus important pour précisément acquérir le pouvoir et le prestige social. Donc ce sont toutes ces dimensions ensemble qui composent le concept d'égalité des conditions. On ne peut pas le réduire à une seule forme. Une fois qu'on a compris ça, on comprend pourquoi ce phénomène est si important, pourquoi c'est un fait générateur qui crée des usages, des maximes, des mœurs, des manières qui influent sur toutes les parties de la vie domestique et publique. Parce qu'en réalité, eh bien, ce phénomène multiforme décide, hein, par opposition à l'inégalité des conditions, bah, de la forme de la vie sociale. Et Tocqueville est un penseur des rapports sociaux, hein, on pourrait dire autant que des rapports politiques. Alors je voudrais quand même nuancer ce que je viens de dire par un point qui est tout à fait frappant quand on ouvre, après avoir lu cette introduction magistrale, quand on ouvre le début de la démocratie en Amérique, on s'aperçoit que Tocqueville revient aux institutions. Et donc là, on a un moment plus classique. Description des institutions américaines, du système fédéral, il part de la commune et puis petit à petit il montre, hein, il déploie de manière magistrale toutes les institutions américaines. Et donc en fait, ce dont il parle, c'est du dogme de la souveraineté du peuple. Et là, de nouveau, on revient à la question de la démocratie comme état politique, comme régime. C'est-à-dire qu'au fond, la démocratie se définit par ce qu'il appelle le dogme de la souveraineté du peuple. Et donc le contractualisme que vous mobilisiez tout à l'heure, en fait, il revient ici, en disant, oui, en fait, le contractualisme ben, fonctionne en Amérique. Hein. Effectivement, voilà, on se demande pourquoi des hommes libres et égaux par nature ont finalement renoncé à leur liberté et égalité naturelle pour accepter une autorité politique. Et voilà, le dogme de la souveraineté du peuple. Et donc, si vous voulez, il y a quand même une petite tension chez Tocqueville qui est tout à fait frappante. On se demande, alors, qu'est-ce qui est premier ? L'État social ? Ou le régime politique. Et selon la manière dont on lit la démocratie, hein, on pourrait quand même, quand on reprend le début, se dire, bah oui, mais c'est à partir de la commune qui reconstruit tout. Donc finalement, il y a quand même ce dogme de la souveraineté du peuple qui est aussi un fait générateur. Alors finalement, on pourrait très bien lire Alexis de Tocqueville après avoir lu Jean-Jacques Rousseau en se disant, après la fiction du contrat social, en réalité, voilà ce que ça donne. Alors, Tocqueville nous dit, hein, dans sa correspondance, qu'il y a trois auteurs qu'il lit tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, dit-il, on ne l'a pas vérifié. Montesquieu, Rousseau. Ce qui se ressent d'ailleurs dans la manière de faire. Montesquieu qui est clairement son mentor en politique et en philosophie politique. Rousseau, dont il est un grand admirateur. Hein, et Pascal. Hein, Pascal, c'est un peu plus subtil, un peu plus... voilà. Mais Rousseau joue un rôle important pour Tocqueville. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que contrairement effectivement à son milieu légitimiste d'origine, Tocqueville accepte les principes de 1789. Il pense les conséquences culturelles, politiques et sociales de la Révolution française après la Terreur, mais en acceptant les principes de 1789. Et il veut convaincre ses contemporains, et notamment la noblesse, hein, l'aristocratie, qu'il faut accepter, hein, les grands principes de liberté, d'égalité et de fraternité, hein, qui, en quelque sorte, sont la nouvelle devise de la République. Voilà. Donc on est passé, disons, dans la monarchie de Juillet, mais il ne faut pas oublier les principes de 1789. Et je crois qu'on ne peut pas comprendre de la démocratie en Amérique sans comprendre cette acceptation fondamentale des principes de la Révolution française. Tocqueville était-il un admirateur de l'Amérique ? Était-il un enthousiaste des États-Unis ? Était-il celui qui annonçait l'américanisation fatale du monde ? Certainement pas. Tocqueville était beaucoup trop disciple de Montesquieu pour se dissimuler que les institutions adaptées à une société ne pouvaient pas être automatiquement adaptées à une autre. Il savait que beaucoup des formes que revêtait la démocratie aux États-Unis ne pouvait pas être transplanté en France. Il voulait cependant se servir du modèle américain, mais il voulait s'en servir au sens large et vague du terme pour chercher l'équivalent des institutions qui garantissaient là-bas le respect de l'ordre et de la légalité. Il me paraît hors de doute que tôt ou tard nous arriverons, comme les Américains, à l'égalité presque complète des conditions. Je ne conclus point de là que nous soyons appelés un jour à tirer nécessairement, d'un pareil état social, les conséquences politiques que les Américains en ont tirées. Je suis très loin de croire qu'ils aient trouvé la seule forme de gouvernement que puisse se donner la démocratie. Mais il suffit que dans les deux pays, la cause génératrice des lois et des mœurs soit la même, pour que nous ayons un intérêt immense à savoir ce qu'elle a produit dans chacun d'eux. Ce n'est donc pas seulement pour satisfaire une curiosité, d'ailleurs légitime, que j'ai examiné l'Amérique. J'ai voulu y trouver des enseignements dont nous puissions profiter. On se tromperait étrangement si l'on pensait que j'ai voulu faire un panégyrique. Mon but n'a pas été non plus de préconiser telle forme de gouvernement en général. Car je suis du nombre de ceux qui croient qu'il n'y a presque jamais de bonté absolue dans les lois. Je n'ai même pas prétendu juger si la révolution sociale, dont la marche me semble irrésistible, était avantageuse ou funeste à l'humanité. J'ai admis cette révolution comme un fait accompli ou prêt à s'accomplir, et parmi les peuples qui l'ont vu s'opérer dans leur sein, j'ai cherché celui chez lequel elle a atteint le développement le plus complet et le plus paisible, afin d'en discerner clairement les conséquences naturelles et d'apercevoir, s'il se peut, les moyens de la rendre profitable aux hommes. J'avoue que dans l'Amérique, j'ai vu plus que l'Amérique. J'y ai cherché une image de la démocratie elle-même, de ses penchants, de son caractère, de ses préjugés, de ses passions. J'ai voulu la connaître, ne fût-ce que pour savoir du moins ce que nous devions espérer ou craindre d'elle. France Culture, Les Chemins de la Philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. C'était donc encore un extrait de l'introduction interprétée par François Raison, l'introduction de la démocratie en Amérique d'Alexis de Tocqueville. Et juste avant, on a entendu un des grands lecteurs d'Alexis de Tocqueville, c'était la voix de Raymond Aron le 7 février 1963. Raymond Aron qui, dans les étapes de la pensée sociologique, consacre un chapitre crucial sur la pensée de Tocqueville et sur la manière dont il a pu théoriser la démocratie. On l'a entendu dans ce texte, dans cet extrait de l'introduction, Céline Spector. Tocqueville dit « J'avoue que dans l'Amérique, j'ai vu plus que l'Amérique, j'ai cherché une image de la démocratie elle-même. » Finalement, on pourrait plutôt substituer à image le terme de modèle, comme le dirait Raymond Aron. Oui, alors c'est quelque chose de très intéressant parce que tout dépend de ce qu'on appelle modèle. Ce que Tocqueville va chercher en Amérique, hein, il reste 9 mois, je le rappelle, donc entre avril 1831 et février 1832, il est avec son ami Gustave de Beaumont, donc ils vont visiter le modèle, disons, ils cherchent le modèle du système pénitentiaire, mais en fait, c'est un prétexte. Voilà, c'est un prétexte. Le modèle de l'Amérique est plus important. Donc qu'est-ce qu'un modèle en politique ? Un modèle pour Tocqueville, et c'est là qu'il s'inspire de Montesquieu, c'est pas, disons, quelque chose qui soit à imiter servilement. C'est pas quelque chose qui doit être plaqué ou importé de manière, disons, abusive, lorsqu'il y a d'autres lois, d'autres mœurs, une autre géographie, une autre histoire, ce qui est le cas en Europe et en particulier en France. Donc ce que Tocqueville va chercher en Amérique, c'est la démocratie stable. C'est la démocratie, on pourrait dire, paisible et en non un sens, révolutionnaire. La démocratie sans la révolution, c'est ça qu'il dit. En France, les soubresauts révolutionnaires sont incessants et en fait, on ne voit pas l'image de la démocratie à travers ces soubresauts. Napoléon, la Restauration, voilà, la monarchie de Juillet. On a vraiment ces soubresauts qui font que l'image de la démocratie est brouillée. Et donc, si on veut en avoir une image claire, il faut aller là où la démocratie s'est installée, en fait, dès le début, sans la révolution. Et donc, la démocratie a pu trouver en Amérique un lieu, disons, de développement privilégié, un terreau d'élection, on pourrait dire, en raison des conditions d'installation. Alors, je reparle pas de la manière dont les pèlerins anglais dissidents sont arrivés, même si c'est une question qui intéresse beaucoup Tocqueville, sur une terre qui n'était en réalité pas vierge, puisqu'il y avait évidemment des Amérindiens. Et Tocqueville est tout à fait conscient de cette difficulté-là. Mais disons, Tocqueville est fasciné par la manière dont la démocratie peut se déployer de manière paisible en Amérique. Il dit que c'est le système le plus complet de la démocratie que l'on peut trouver là. Et donc il y a quelque chose comme le futur de l'Europe, et en particulier le futur de la France, qui peut s'esquisser ici. Il veut, dit-il, montrer par l'exemple de l'Amérique que les lois et surtout les mœurs peuvent permettre à un peuple démocratique de rester libre. Et c'est ça le point. Mais alors ça, c'est un point sur lequel il faut absolument revenir, c'est l'inspecteur, parce qu'effectivement, dans le premier texte qu'on a entendu, on a entendu que le fait générateur de la démocratie, c'était l'égalité. Mais on pourrait spontanément penser que le fait générateur de la démocratie, ou du moins, pas le fait générateur, mais la finalité du régime politique démocratique, c'est la liberté. Comment ça se fait que l'État social soit fondé sur un fait générateur qui soit l'égalité, alors qu'on entend plutôt le régime politique comme devant conduire à la liberté? Alors, il y a évidemment chez Tocqueville un choix, hein, qui est un choix original, qu'il faut commenter comme tel, de privilégier l'égalité plutôt que la liberté pour définir l'État social démocratique. Et est-ce que c'est contestable d'ailleurs? Alors, tout est contestable en philosophie, en partie en philosophie politique, mais je pense que c'est la grande force de Tocqueville que d'avoir compris que, en un sens, on l'a déjà dit, hein, le social précède le politique. Mais sur un certain type de rapports sociaux, peuvent s'ériger différents modèles politiques, différents régimes politiques. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, en fait, l'égalité des conditions est porteuse de contraires. Hein, il y a une puissance des contraires dans l'histoire. Voilà, elle peut conduire d'ailleurs à l'indépendance ou à l'anarchie. Hein, ça serait l'égalité qui s'associe à une forme de liberté licence. Hein, et les contemporains de Tocqueville, en particulier le milieu légitimiste, considère que c'est le devenir naturel de l'égalité des conditions et de la démocratie, hein, que de mener à l'anarchie. Donc c'est leur plus grande crainte, c'est finalement, leur plus grande c'est que crainte. La liberté se déborde. C'est le fait que, en effet, et c'est l'observation, disons, des soubresauts révolutionnaires, hein, qui leur donne cette impression-là. Et puis, de l'autre côté, aux antipodes, ben voilà, l'égalité des conditions peut mener, dit Tocqueville, par un chemin plus long, plus secret, mais en un sens plus sûr, eh bien, à la tyrannie, hein, alors, soit à la tyrannie de la majorité, dont Tocqueville parle beaucoup, évidemment à propos des institutions américaines qui ont tenté de conjurer ce risque. Hein, c'était la grande thèse de Madison, qu'il fallait à tout prix conjurer la tyrannie de la majorité en démocratie, ou bien au despotisme démocratique qui sera vraiment la grande crainte de Tocqueville, hein, c'est-à-dire au fond qu'il s'installe une forme de bureaucratie, une forme d'apathie politique, et que le grand risque de la démocratie ce soit pas d'aller vers l'anarchie et la révolution, mais au contraire vers l'apathie politique et le désengagement des citoyens de la sphère politique. Donc ce qui est intéressant, c'est que Tocqueville non seulement dissocie démocratie et liberté, démocratie, régime politique pour en faire d'abord un état social, mais aussi, je reviens à ce texte qu'on vient d'entendre, démocratie et révolution. La démocratie peut ne pas être révolutionnaire, ce qui paraît assez fou, parce que quand il dit qu'il faut une science nouvelle à un monde tout nouveau, ce qui nous semble nouveau dans la démocratie ne l'est pas en fait dans l'histoire française. C'est-à-dire que non seulement l'égalité c'est un temps long, c'est une révolution lente, mais en plus c'est difficile de voir, de penser en fait le modèle américain non pas exporter, on va pas dire dupliquer, mais néanmoins appliquer, qui soit mise en œuvre en France, alors qu'on a quand même toute une histoire aristocratique qui s'oppose et justement qui produit des entrechocs révolutionnaires entre l'aristocratie et la démocratie. Absolument, vous avez raison. Et donc ce qui est tout à fait frappant, c'est que pour Tocqueville, en fait, ce n'est pas la révolution, en particulier la révolution française, qui a amené l'égalité des conditions. Au fond, c'est un mouvement pluriséculaire, et Tocqueville dit, ça fait 700 ans, en fait, c'est quasiment depuis Louis XI, hein, que ce mouvement se poursuit en France. C'est-à-dire qu'en fait, le mouvement de l'égalisation des conditions, c'est d'abord le développement de la bourgeoisie, la montée en puissance de la bourgeoisie, la montée en puissance des classes moyennes, la montée en puissance de la petite propriété, c'est le fait que le fief, hein, qui était par essence le socle de l'aristocratie et de l'inégalité des conditions, perd son influence politique et son magistère moral. Et donc, en un sens, si vous voulez, l'égalisation des conditions, c'est un phénomène lent et graduel, progressif, et non pas lié à une révolution brutale, à un soubresaut révolutionnaire. Et donc, Tocqueville va à tout prix insister sur le fait que les rois ont été les premiers des niveleurs. Ils se sont alliés avec la bourgeoisie, ils se sont même alliés avec le clergé, de manière à abaisser la noblesse. Mais ça, c'est assez fou. C'est quand même pour ça qu'il faut aussi lire cette introduction. Si vous n'avez pas le temps de lire les deux volumes de La démocratie en Amérique, je vous conseille quand même de lire cette dizaine de pages d'introduction qui est assez fabuleuse, puisque non seulement il dit que l'égalité provient et d'abord arrivée par le clergé, finalement, mais aussi par les rois qui étaient eux-mêmes des niveleurs, qui soit en fait étaient faibles, nuls en fait, et se sont mis au niveau du peuple, nous dit-il, soit parce qu'en fait, c'était des rois tout puissants et ils ont voulu éclairer le peuple et ont produit de l'égalité parmi le peuple. Absolument. Donc il y a cette réflexion sur l'histoire de France qui trouvera son point culminant dans l'Ancien Régime et la Révolution un peu plus tard. Et Tocqueville est très intéressé par la montée en puissance, eh bien, de la bourgeoisie, mais aussi de la noblesse des Robins face à la noblesse militaire. Et donc il essaye de penser, hein, le rapport entre les classes déjà dans la société d'Ancien Régime. C'est-à-dire qu'au fond, il essaye de montrer comment toute une série de phénomènes, mais même les croisades, hein, si vous voulez, ont contribué à la perte de puissance de la noblesse militaire, hein, qui faisait, disons, tout reposer sur sa généalogie et sur la naissance illustre et les exploits par les armes. Et au fond, il montre la montée en puissance d'autres facteurs sociaux. L'intelligence, l'esprit légiste ou l'esprit des Robins, c'est-à-dire la montée en puissance du droit. Le droit se complexifie et donc la noblesse militaire est complètement dépassée. C'est ce que disait déjà Montesquieu. Le pouvoir de l'argent augmente, hein, et finalement, c'est très important aussi. C'est-à-dire qu'en fait, l'influence sociale, le prestige, le pouvoir ne sont plus seulement liés à la naissance, ne sont plus seulement liés au port des armes et au maniement des armes, mais à toute une autre série de facteurs. Et c'est cette rupture, en fait, multiforme qui intéresse Tocqueville. Et c'est la raison pour laquelle on peut penser aussi la stratégie politique des rois niveleurs dans cet esprit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement la montée en puissance des communes, hein, où la bourgeoisie monte en puissance. Il y a aussi une stratégie consciente et lucide, on pourrait dire, d'un certain nombre de monarques, qui tout simplement, ces monarques veulent apprivoiser la noblesse, et tout simplement, donner en quelque sorte aux légistes et aux bourgeois tout leur rôle, y compris au clergé aussi, dans la société, de manière à ne plus avoir ces rivaux hein, qui menacent leur pouvoir. Mais qu'est-ce qui pourrait arrêter l'égalité alors ? Est-ce que finalement, parce qu'on le voit bien aussi aujourd'hui, on voit bien en fait que le mouvement de l'égalité, la défense de l'égalité, l'attachement à l'égalité, Tocqueville parlera même d'une passion égalitaire qui est presque destructrice puisqu'elle s'oppose à la liberté. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui on est encore dans la poursuite de ce moment-là et que l'égalité finalement, cette soif d'égalité ne pourra jamais s'arrêter ? Alors pour Tocqueville, c'est certain. Donc en fait, même quand tout le monde sera parfaitement similaire, ça continuera encore ? Alors, il y a quelque chose d'irrésistible, quelque chose d'universel, hein, dans le progrès de l'égalisation des conditions, dans cette dynamique, qui est aussi liée, au fait que la confusion des rangs, la division des patrimoines, l'abolition des castes, la destruction des privilèges, s'accompagne, comme on le disait, d'une réforme du pouvoir social. Et donc, de l'importance de la diffusion des lumières, de l'importance de la diffusion du commerce. Et donc, en fait, tous ces phénomènes se conjuguent. Et donc, il n'y aura jamais d'arrêt à la logique de l'égalisation des conditions. Et Tocqueville nous dit, c'est pas seulement lié à l'amour de l'égalité, à la passion de l'égalité. C'est aussi lié au fait que plus les conditions s'égalisent, plus les petites différences importent. Et donc, on a ce passage magnifique hein, dans la seconde démocratie, où Tocqueville nous dit, finalement, il y a une logique distinctive qui était, on pourrait dire, le ressort même des sociétés aristocratiques régies par l'inégalité des conditions et dominées par le principe de l'honneur. Eh bien, cette logique distinctive va se métamorphoser dans les siècles démocratiques et devenir une attention aux petites différences. Si bien que dans la rivalité universelle, avec cette mobilité sociale qui se déploie, la moindre différence va devenir en quelque sorte insupportable et une logique de l'envie, du ressentiment va s'installer dans la société, si bien que la logique de l'égalité devra toujours progresser. Alors on va écouter tout de suite Céline Spector, une lettre que vous nous avez conseillée, une lettre que Tocqueville écrit à propos des lois de succession, y voyant là justement l'œuvre de l'égalité qui pénètre jusqu'au sein des familles. À Louis de Kergolay. Sais-tu en matière politique ce qui me frappe le plus vivement dans ce pays-ci ? Ce sont les effets des lois sur les successions. Au moment de la Révolution d'Amérique, l'égalité politique existait parmi les colons, mais non l'égalité des fortunes. Les Anglais avaient emporté ici leur loi de primogéniture au terme desquelles l'aîné prenait les trois quarts de la fortune du père à lui tout seul. Il en résultait que le pays était rempli de vastes domaines territoriaux passant de père en fils en perpétuant la richesse dans les familles. Or, il n'y a de cela que moins de 60 ans, les lois sur les successions furent changées. Le partage égal succéda au droit de primogéniture. Un changement qui a quelque chose de magique en résultat. Les domaines se fractionnèrent et passèrent en d'autres mains. L'esprit de famille se perdit, la tendance aristocratique qui avait signalé les premiers temps de la République fut remplacée par une tendance démocratique irrésistible et contre laquelle on ne peut plus avoir la moindre espérance de lutter. Maintenant, la division des fortunes est immense. La rapidité avec laquelle elle change de main passe tout ce que j'aurais pu imaginer. J'ai entendu dire en Europe qu'il y avait une tendance aristocratique en Amérique. Ceux qui disent cela se trompent. La démocratie est au contraire ou en pleine marche dans certains États, ou dans toute son extension imaginable en d'autres. On ne saurait douter que la loi sur les successions ne soit une des principales causes de ce triomphe complet des principes démocratiques. Cette lettre d'Alexis de Tocqueville à Louis de Kergolay, écrite le 29 juin 1831 lors de son voyage aux États-Unis, montre bien effectivement que l'égalité a pénétré au-delà en fait de la société politique pour être dans la société civile. C'est la thèse qu'on a travaillée depuis le début de cette émission, Céline Spector. Mais j'aimerais revenir dans ce texte à cette formule qui revient durant toute l'introduction, on pourrait même dire quand même durant les deux volumes de la démocratie en Amérique, qui est cette idée d'irrésistible, une tendance démocratique irrésistible, ce qui veut dire qu'il y a presque un mouvement, une loi de l'histoire que nous décrit Tocqueville. Et pourtant, on ne peut pas dire non plus, quand on lit Tocqueville, qu'on a affaire à un système un peu à la Hegel où l'histoire aurait une fin ou un sens. Alors, c'est une question décisive qui est celle du rapport de Tocqueville à la philosophie de l'histoire. Et donc, je pense qu'il faut bien distinguer plusieurs choses. D'une part, Tocqueville, comme Montesquieu, essaye de dégager des lois de l'histoire. Et ça, c'est indéniable. Par exemple, il veut essayer de corréler des faits ou des évolutions. La démocratie va avec l'adoucissement des mœurs. De même que chez Montesquieu, le commerce et l'adoucissement des mœurs vont de pair. Donc il y a des corrélations dans l'histoire. Mais il n'y a pas pour autant ce que Tocqueville nomme un système absolu. Et Tocqueville tient absolument, et c'est très intéressant dans la correspondance qu'il a avec John Stuart Mill un peu plus tard, vers 1840, il veut absolument éviter d'assimiler nécessité et fatalité dans l'histoire. Donc il y a bien une nécessité. Il y a une nécessité dans l'histoire, mais cette nécessité n'est pas une fatalité. Il y a une phrase même des souvenirs de Tocqueville où il dit « Je hais, pour ma part, ces systèmes absolus qui font dépendre les événements de l'histoire de grandes causes premières se liant les unes aux autres par une chaîne fatale qui supprime, on pourrait dire, les hommes de l'histoire du genre humain. » Donc en fait, voilà, Tocqueville ne veut pas supprimer les hommes de l'histoire du genre humain. Il ne veut pas de fatalité historique irréductible. Et il critique Hegel explicitement. Il considère que cette philosophie de l'histoire est une mauvaise philosophie de l'histoire. Ah oui, carrément. Voilà, parce qu'en fait, elle ne ménage pas la place de la liberté. Et tout le but de Tocqueville, dit-il, en fait, c'est d'écrire pour élever les âmes, pour réveiller les hommes, pour qu'ils puissent en quelque sorte prendre conscience de leur destin historique et pour qu'ils puissent se ressaisir et aller vers la liberté plutôt que vers le despotisme. Donc, il faut ménager une place à la liberté dans l'histoire. Et donc, de ce point de vue, on peut dire que, c'est ce qui m'a intéressé aussi dans le texte que vous avez fait lire, Tocqueville refuse l'idée d'une détermination historique radicale. Il ne veut pas de cause en dernière instance dans l'histoire, mais ce qui lui importe, c'est quand même de montrer qu'il y a effectivement des causes, et notamment cette loi de succession. Ce qui est passionnant, c'est qu'on a vraiment cette dimension matérielle de l'égalité des conditions qui apparaît ici, avec l'abolition du droit d'aînesse et de toutes ces lois qui protégeaient les grandes terres nobles. Ce qui se passe, c'est la division des patrimoines, la division des terres, l'importance croissante de la propriété mobilière, qui va aussi avec une société de commerce et d'industrie. Et donc tous ces phénomènes tendent à l'accroissement des classes moyennes, à l'accroissement des petits propriétaires. Et Tocqueville se dit, mais voilà, ce qui a lieu aux États-Unis doit nécessairement avoir lieu de même en France, dès lors qu'on a aboli le droit d'aînesse, dès lors qu'on a aboli toutes ces lois qui protégeaient l'inégalité des conditions et qui faisaient finalement de la transmission patrimoniale le cœur du pouvoir de la noblesse. Donc, nous allons, nous aussi, vers la démocratie, y compris d'un point de vue politique. Et donc je crois qu'il faut bien, de ce point de vue, on oppose très souvent Tocqueville à Marx, à la fois à tort et à raison à mon sens. À tort parce qu'il y a chez Tocqueville un intérêt fondamental pour les causes matérielles, et j'insiste là-dessus, parce que ce texte nous le prouve, finalement la question des successions est fondamentale, voilà quelle taille chaque famille possède, la parcelle de terre, comme socle des droits politiques, les droits politiques doivent s'exercer à partir de ce fondement matériel, mais en même temps, contrairement à Marx, Tocqueville refuse l'idée d'un sens de l'histoire au sens où il y aurait des modes de production qui créent des rapports sociaux et ensuite, disons, qui causent, on pourrait dire, des phénomènes révolutionnaires de manière ponctuelle lorsqu'il y a une sorte de discorde entre le mode de production et l'état des rapports sociaux. Donc il y a chez Tocqueville une attention au rôle de la bourgeoisie, au rôle des classes moyennes, mais pas comme chez Marx. Et donc je pense qu'il y a ce dialogue avec Marx qui est très intéressant. Tocqueville refuse le matérialisme historique. Mais est-ce que finalement Tocqueville ne joue pas un petit peu aussi sur les mots, parce parce que défendre une nécessité historique mais pas une fatalité, sans prendre aux causes générales à ceux qui pensent l'histoire en termes de cause générale, mais néanmoins parler quand même d'un fait générateur, est-ce que finalement cette manière de vouloir nuancer, d'être à tout prix dans la nuance, c'est-à-dire de parler de démocratie tout en la distinguant de la liberté, de la démocratie en la distinguant de la révolution, toutes ces distinctions-là qui visent en fait à le situer de manière très originale dans le champ de la pensée politique, visent aussi parfois à l'affaiblir, voire conduisent à une forme de d'incompréhension en fait de ce qu'il propose. Alors, c'est vrai que Tocqueville est subtil, hein, il est fin, il faut rentrer dans la chair des textes. Il peut y avoir un art d'écrire aussi qui peut peut-être pour certains faire un petit peu obstacle, hein, parce que voilà, il faut rentrer dans la subtilité. Mais en même temps, Tocqueville veut aussi être clair, hein, il veut absolument clarifier la situation. Il le dit, hein, d'emblée, encore une fois, nous sommes dans les ténèbres, il faut que nous ayons une lumière, une boussole qui guide nos actions futures. Et donc, je ne crois pas qu'on puisse accuser Tocqueville, disons, d'essayer de voilà d'obscurcir ou d'être voilà une sorte de obscur nuance, mais pas de vraiment choisir son camp. Oui, alors si, justement, et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'en fait il présente dès l'introduction en fait une sorte de situation de contraste incroyable où voilà ceux que l'on pense honnêtes en fait défendent l'esclavage, ou ceux que l'on pense au contraire malhonnête défendre l'égalité. Et donc il y a cette situation très bizarre, très confuse, et lui-même veut être hors des haines partisanes. Hein, il se présente comme un esprit impartial. Un peu là encore comme Montesquieu dans l'esprit des lois face au débat, disons, de son temps. Et donc, ce souci de l'impartialité le conduisent à défendre une position qu'on appelle voilà libérale. Hein. Tocqueville est un partisan du libéralisme politique, c'est-à-dire qu'il refuse à la fois la contre-révolution et en même temps, comme il le montrera en 1848, le socialisme. Et il veut défendre ben voilà la liberté en un temps d'égalité. Donc qu'est-ce que ça veut dire défendre la liberté en un temps d'égalité? C'est accepter que l'amour de l'égalité, comme il le dit, hein, produise un goût vif et instinctif pour la liberté, mais que ce goût vif et instinctif a besoin d'être régulé. Et donc, c'est comment réguler le goût instinctif pour la liberté ? C'est cette question-là qui anime Tocqueville lorsqu'il se demande quelles sont les bonnes institutions qui doivent réguler la démocratie. Le mérite de l'homme Tocqueville et du penseur Tocqueville, c'est qu'il était capable de comprendre à tout à la fois ce qu'il y avait de grand dans le système aristocratique de l'Ancien Régime. Pourquoi ce régime s'était condamné à mort en ne se transformant pas, ce qu'il y avait de noble dans les espérances révolutionnaires, et aussi pourquoi la tempête révolutionnaire fut pour les espoirs même des révolutionnaires une catastrophe. Car c'est par là que Tocqueville échappe à toutes les définitions et qu'il sera toujours critiqué tout à la fois par la parti des conservateurs et par le parti des révolutionnaires. Aux yeux des conservateurs ou des réactionnaires, il est un traître ou, comme on dit aujourd'hui dans un français détestable, un capitulard, puisqu'il reconnaît que la révolution est faite et que l'ancien régime est mort. Aux yeux des révolutionnaires, il lui manquera toujours quelque chose, qui est la capacité d'illusion ou de foi. Étrange démocrate qui refuse le mythe révolutionnaire, étrange légitimiste qui accepte la mort de l'ancien régime, tel est Tocqueville. Tel est Tocqueville, c'était encore la voix de Raymond Aron le 7 février 1963. Effectivement, Tocqueville, on en a parlé, c'est l'inspecteur, a un positionnement non pas qui obscurcit, mais du moins étrange. C'est-à-dire que j'imagine que des critiques de la démocratie, comme des adorateurs de la démocratie, peuvent le lire et effectivement peuvent trouver, car c'est la question centrale, une manière en fait de réguler la liberté sans avoir une passion égalitaire folle et en même temps pouvoir exercer, non pas seulement individuellement, mais collectivement, cette liberté. Oui, alors vous avez raison, et c'est cette question de l'ordre qui, dès l'introduction, hein, voilà, première démocratie, apparaît. Tocqueville veut montrer que démocratie et ordre peuvent s'allier, que la démocratie n'est pas vouée à l'instabilité permanente et au soubresaut révolutionnaire. Et donc, en fait, toute la question, c'est de savoir qu'est-ce qui peut être ordonné dans la démocratie? Donc, de ce point de vue-là, il n'est ni du côté de ceux qui veulent la révolution permanente, et Babeuf, etc., qui considèrent que la conjuration des égaux, la révolution doit être achevée, mais achevée par une nouvelle révolution qui permettrait l'instauration réelle de l'égalité des conditions, et donc de l'égalité des propriétés. Mais il n'est pas non plus du côté des légitimistes ou des contre-révolutionnaires, des ultras, de ceux qui veulent la restauration. Et donc, de ce point de vue-là, il a un positionnement tout à fait inouï. Et il dit « je serai critiqué des deux bords, hein, au fond ». Voilà, parce que ma position est tout à fait, oui, en effet, étrange et nouvelle. Et donc, qu'est-ce qui pourrait permettre à un peuple démocratique de rester libre, hein ? Et aux États-Unis, hein, ce que Tocqueville observe, c'est qu'au fond, c'est l'exercice en commun des droits politiques qui permet à la démocratie de se stabiliser. Donc, dès la commune, s'exerce une forme de self-government qui permet, en quelque sorte, d'être une école de la démocratie. Tocqueville voit aussi dans les associations politiques et civiles aux démocraties aux États-Unis quelque chose qui permet de stabiliser la démocratie. Il voit dans la liberté de la presse un atout fondamental pour la stabilisation de la démocratie. Ça n'a rien d'évident. On peut avoir l'impression que la liberté de la presse va contribuer, au contraire, à agiter sans cesse les passions, à renouer avec les passions révolutionnaires. Et Tocqueville nous dit non, il ne faut surtout pas exercer le droit de censure. C'est la problématique française. Il ne faut surtout pas vouloir censurer les opinions et l'opinion publique. Parce qu'il faut accepter qu'il y a une école de la démocratie. Il faut préparer les esprits à la démocratie. Et Tocqueville, en fait, se veut un peu précepteur, hein, éducateur, de ce point de vue-là, en disant il faut accepter qu'il y a un temps long dans lequel les esprits vont s'adapter, s'éduquer et apprendre à s'auto-gouverner. Hein, on peut dire que le self-government, c'est pas quelque chose d'acquis en France, pas du tout. Et justement, parce qu'il n'y a pas toute cette histoire du township que Tocqueville observe dans la Nouvelle-Angleterre. Mais est-ce qu'il est acquis maintenant ? C'est-à-dire que 200 ans plus tard, cette question quand même de la souveraineté du peuple, de la liberté politique, de l'exercice, vous l'avez dit, il y a un problème, un questionnement autour de la censure. Il y a quand même un esprit américain et un esprit européen qui sont complètement opposés là-dessus. Aux États-Unis, on va miser sur la liberté d'expression et puis les opinions vont se réguler et l'opinion publique va jouer un rôle régulateur. Là, on fait quand même appel à des lois pour encadrer l'expression, la liberté d'expression, la liberté de penser qui, certes, reste une loi, une des libertés fondamentales. Mais néanmoins, on ne peut pas proférer de propos racistes, ni antisémites, ni sexistes. Ça, la loi joue un rôle, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Donc jusqu'où, justement, ce modèle américain peut encore nous inspirer, même encore 200 ans après. Oui, alors, je crois que ce que Tocqueville avait bien vu, c'est que, voilà, comme Montesquieu, il pense qu'il n'y a pas de bonne loi dans l'absolu. Il n'y a pas de bonnes institutions universellement. Il faut toujours adapter les lois aux mœurs d'un pays et Tocqueville est bien conscient que la France ne va pas adopter en bloc les institutions américaines. 200 ans plus tard, nous en sommes au même point, nous n'allons pas adopter en bloc les institutions américaines et en particulier la question de la liberté d'expression que vous évoquiez se pose. Alors, je pense que ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui mérite d'être conservé. Et ce que Tocqueville va chercher en Amérique, ce que nous pouvons aujourd'hui aller chercher ailleurs, alors en Amérique ou ailleurs, ce sont des principes, des grands principes, comme Montesquieu allait chercher, comme dans un miroir, disait-il, les grands principes de la liberté politique en Angleterre. Chercher des principes, ça ne veut pas dire ne pas les adapter au contexte, à la situation, aux circonstances, à l'histoire d'un pays, à l'histoire longue. Et je pense que c'est ça que nous pouvons conserver de Tocqueville, y compris sur la question de la liberté d'expression. C'est la question de savoir comment de grands principes peuvent trouver un terreau d'application privilégié, quelles sont les bonnes voies pour adapter finalement des institutions dans un contexte complètement différent. Alors on a entendu dans l'archive de Raymond Aron effectivement ce positionnement étrange de Tocqueville. J'aime beaucoup cette idée d'être un démocrate sans la révolution et un légitimiste sans l'ancien régime. Revenons quand même sur cette question de la démocratie sans révolution. Est-ce que Tocqueville, effrayé en fait par la révolution de 89, notamment par sa dimension, enfin ce qui a suivi, c'est-à-dire par la terreur, par sa dimension sanglante, qui a aussi été effrayé par les journées de enfin, février, la révolution de février 1848, par ce bain de sang, est-ce que finalement il n'identifie pas trop vite révolution et violence et que à force de vouloir une démocratie paisible, tranquille, finalement il ne contribue pas aussi à une forme d'apathie des individus démocratiques alors que dans une démocratie, eh bien, il faut du conflit, il faut effectivement que ça pète d'une certaine manière pour que des idées passent. Alors, je vous laisse la responsabilité de cette dernière phrase. Alors, pour ma part, disons, je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant qui est le fait qu'il y a une stratégie d'écriture d'abord dans la démocratie. Donc, s'il faut distinguer démocratie-révolution, c'est aussi dans le contexte de l'époque. Hein, c'est-à-dire, si on veut faire accepter la démocratie, en particulier au milieu aristocratique, il faut leur dire, bon, vous n'allez quand même pas tous mourir, sinon, évidemment, il n'y aura pas de ralliement général à la démocratie. Donc, cette question de la violence démocratique, évidemment, Tocqueville se la pose, mais ce qui l'intéresse, c'est de montrer que les classes moyennes,